Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 15% de la population mondiale aujourd'hui est en situation de handicap. Ça représente 1 milliard de personnes. C'est énorme. Seuls 10% de ces gens bénéficient des outils nécessaires à leur autonomie quotidienne. Mais nous allons regarder sur encore plus de gens puisque notre regard dans le cours de l'histoire se porte sur le passé. Comment l'archéologue appréhende le handicap ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Soulager et appareiller les corps, que dit l'archéologie ? Bien sûr, nous imaginons la découverte d'un squelette avec une jambe en moins, avec une main en moins, ou alors avec une prothèse. L'archéologue se penche sur ce squelette. Qu'en est-il alors de la conversation qui s'instaure entre ces deux êtres ? Sûr, il y a quelque chose d'intime. Mais quand le handicap ne laisse pas de traces, la surdité, la maladie mentale, que peut nous dire l'archéologue ? Eh bien, écoutons cette conversation intime. Valérie Delattre, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Vous êtes archéologue. Vous vous intéressez au handicap. Quel est votre plus grand souvenir de découverte liée au handicap ? Alors, un souvenir personnel, c'est d'avoir découvert sur la grande nécropole carolingienne de Séris-les-Ruelles en Seine-et-Marne, à l'emplacement du parc Mickey. On a fouillé une énorme nécropole carolingienne dans laquelle on a retrouvé des squelettes de sujets en situation de handicap atteints de nanisme ou ayant été amputés. Et j'ai souvenir d'une femme assez âgée, doublement handicapée des deux membres inférieurs. Donc effectivement, il y avait la lecture de la pathologie extrêmement impressionnante. Et forcément, on contextualise la démarche du praticien, la souffrance, la prise en charge. On imagine les plaines de Marne-la-Vallée un petit peu avant l'an 1000, ça n'avait sans doute rien de réjouissant. Et forcément, ce tête-à-tête avec ce squelette eh bien, ouvre plein de questionnements, plein de réflexions qui font écho à nos propres interrogations d'un 21e siècle le plus sécurisé et plus inclusif, peut-être. Mais il faut le souligner, dans l'histoire de l'archéologie, le handicap a souvent été mis de côté, au sens où, pendant longtemps, mais maintenant on est bien au-delà de ça, l'archéologue cherchait le trésor, il y avait ce fantasme, mais aujourd'hui on est passé à autre chose. À quel moment l'histoire du handicap, cet intérêt naît dans l'archéologie ? Alors en fait c'est une longue histoire, déjà il y a l'intérêt pour l'humain. On peut être intéressé au masque de Toutankhamon, à des bijoux mérovingiens fastueux qu'on met dans les musées, mais forcément, l'acteur principal, c'est le défunt. C'est notre prédécesseur. Donc, l'archéologie et l'archéoanthropologie ont à cœur de travailler sur l'individu que nous fouillons. La lecture des handicaps, l'intérêt pour les handicaps s'inscrit dans une discipline qui est plus vaste, qui s'appelle la paléopathologie, c'est-à-dire l'histoire des maladies de nos ancêtres. Et ça date depuis plus d'un siècle. Souvent, c'était des médecins à la retraite, des dentistes qui épaulaient un petit peu les archéologues et qui s'intéressaient surtout à ce qui était exceptionnel, un peu façon cabinet de curiosité. Donc on faisait un petit peu des courses à qui avait la pathologie la plus spectaculaire ou la plus ancienne mention d'une poliomyélite, la plus ancienne mention d'une double fracture non réduite, etc. Donc ça s'est construit au 20e siècle. Et puis, peu à peu, l'archéanthropologie a pris ses lettres de noblesse et on s'est intéressé à l'individu en tant que tel, dans sa composante culturelle, avec ses bijoux, tout ce qu'il emmenait dans l'au-delà, mais en tant que tel, en tant que sujet d'étude, en tant qu'individu et au sein de sa communauté. Et se sont greffées des interrogations très contemporaines. J'ai plein de collègues qui travaillent sur la guerre, qui travaillent sur la violence. Travailler sur le handicap est venu très naturellement, puisque c'est un corollaire de l'étude de la santé. Et forcément, on est tenté de faire des parallèles aisés ou plus mal aisés avec des sociétés, des communautés du temps passé, qui nous renvoie à nos propres réflexions et nos propres façons de faire, à nos propres comportements. Et à notre propre vocabulaire. Nous utilisons aujourd'hui le mot handicap, ce qui n'était évidemment pas le cas dans le passé. Il y avait alors ce champ lexical absolument horrible aujourd'hui, mais qui était très présent. On parlait de difformité et notamment dans les sources littéraires. Avec nous également aujourd'hui, Caroline Husquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'université Lille 3. Vous avez écrit « L'intégrité du corps en question, perception et représentation de l'atteinte physique dans la Rome antique ». Eh bien justement, quel était le vocabulaire utilisé pour désigner ces personnes différentes ? Alors le vocabulaire utilisé, il est extrêmement vaste et il est surtout très très différent d'aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, évidemment, on emploie nos mots d'aujourd'hui pour les plaquer en quelque sorte sur les réalités anciennes. Mais le mot handicap, pour un Romain, il veut absolument rien dire, évidemment. Nous, c'est aujourd'hui une catégorie un petit peu globalisante, c'est-à-dire que on voit bien la différence entre quelqu'un qui est privé de la vue et quelqu'un qui a des difficultés motrices, mais on va quand même avoir une tendance à les ranger dans une même catégorie qu'on va dire le handicap. Pour un Romain, ça marche pas du tout comme ça. Quelqu'un qui est privé de la vue est privé de la vue et quelqu'un qui a des difficultés motrices a des difficultés motrices. Ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de les ranger dans une même catégorie. Et tout ça se ressent évidemment dans le vocabulaire. Donc le vocabulaire, vous l'avez dit, hein, il est extrêmement varié. On va parler de déformité, on va parler d'infirmité. Et on a tout un vocabulaire qui est aussi lié à la beauté et à la laideur et à la privation de beauté, parce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est très théorique et que ça ne s'applique pas à toutes les catégories de la population, le Romain et l'homme de l'Antiquité, de façon un petit peu générale, associent la difformité, la laideur, le handicap à des valeurs également morales. On connaît tous l'expression qui dit avoir un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, pour un Romain, c'est un petit peu ça. Il associe véritablement l'enveloppe avec ce qu'il y a à l'intérieur et le vocabulaire qui est en lien donc pour désigner le handicap, hein, eh bien, est en lien avec cette privation de beauté parce que le lieu commun voudrait que celui qui a une difformité physique, eh bien, soit aussi laid à l'intérieur. Alors évidemment, on sait que tout ça ne repose pas sur des réalités concrètes, mais certains philosophes eh bien, se plaisent à le dire, même s'ils ont conscience eh bien, que ça n'est pas tout à fait la réalité. Et justement, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est de savoir comment les sociétés passées considéraient le mot handicap aujourd'hui que nous utilisons n'était pas utilisé, mais utilisons-le pour rendre les choses simples, considérez le handicap. J'ai utilisé, Caroline Husquin, ce mot de différent. Est-ce que les personnes qui étaient dans une situation de handicap étaient considérées comme différentes ? Alors, c'est une question qui est excellente et qui est très très compliquée parce qu'en fait, tout est question de statut social, tout est question de sexe. On n'est pas considéré de la même façon si on est un homme, si on est une femme, si on est un citoyen libre, ingénu, si on est un affranchi, si on est un esclave. Et tout dépend aussi de la différence en question. Donc, les attitudes peuvent être extrêmement variable et différente, justement en fonction de l'atteinte physique en question. Et bien justement, l'archéologue à ce moment-là arrive. Mais l'archéologue travaille souvent sur le corps qui est là sous forme de squelette, donc qui dévoile sur l'existence d'une personne simplement les derniers moments. Mais autour de ce corps, il y a l'ensemble de l'apparat qui indique le monde social dans lequel vivait cette personne-là. Valérie Delattre, comment regardez-vous l'ensemble autour d'un corps pour savoir si cette personne en situation de handicap a été préservée ou si elle a été mise là à l'écart des autres ? Alors, c'est une discipline qui est toute récente. Travailler sur le handicap, c'est travailler évidemment sur le statut social aussi des sujets que nous étudions. Je travaille sur des communautés, sur des sociétés qui n'ont pas souvent laissé de traces écrites. Je travaille sur leurs pratiques culturelles et cultuelles que j'interprète en fonction des objets qu'ils ont laissés dans la tombe, des objets portés par le défunt, des objets déposés par ses proches au moment des funérailles, et puis sur l'agencement de sa tombe. une orientation, un agencement avec des pierres, un dolmen, une pyramide. Tout cela nous renseigne sur le statut social du sujet. Et donc forcément, travailler sur ces corps différents, c'est envisager la façon dont ils ont été inhumés à l'égal des autres, en utilisant et en les préconisations funéraires, rituelles, spirituelles en vigueur, ou s'ils ont été marginalisés, enterrés dans des lieux d'inhumation sélectifs qui leur auraient été réservés. Alors, le recul est différent. Et le recul est compliqué à faire parce que pour le moment, on n'a pas une étude généralisée à faire sur ces sujets-là. On va piocher dans des communautés, chez Néandertal, au Néolithique, des situations, des cas qui ne sont pas des généralités. Mais on peut observer que le seul prétexte d'un corps différent n'exclut pas du groupe, topographiquement ou dans la façon d'inhumer. Parfois, on a même des plus-values funéraires, des sujets qui bénéficient de soins encore plus importants, impactants que des sujets standards. Mais en tout cas, les sépultures auxquelles nous avons accès ne nous donnent pas l'idée qu'au fil du temps, ici et ailleurs, et quelle que soit la chronologie, on est systématiquement stigmatisé le corps différent au seul prétexte de sa différence, de son traumatisme ou de sa pathologie. Si c'est un guerrier viking, il reste guerrier viking. Si c'est un cultivateur néolithique amputé, il restera agriculteur néolithique amputé. Voilà, c'est des pointillés que l'on peut observer au fil de l'histoire qui se déroule, mais cela semble avéré. Eh bien, restons justement au néolithique. Lors de l'exploration d'un puits naturel dans un champ à Téja, en Dordogne, des spéléologues aperçoivent des ossements humains et animaux sous un cône d'éboulis. Des spécialistes du laboratoire d'anthropologie de Bordeaux, alertés par les inventeurs, viennent dégager ces restes avec les précautions d'usage. On s'aperçoit tout de suite que l'individu dont on a retrouvé le crâne en assez bon état de conservation avait subi une trépanation. Plus étonnant est l'âge du patient. Il est né il y a environ 10 000 ans, peu après le début de l'âge de pierre. Mais la découverte prend toute son importance lorsque l'on s'aperçoit que l'homme a survécu à l'opération. Et là, il y a tout un champ qui s'ouvre à vous, Valérie Delattre, dans cette archive, le journal télévisé de l'ORTF en 1973. Oui, il a survécu à l'opération. Ah oui, alors la trépanation, c'est l'acte chirurgical, peut-être même neurochirurgical le plus spectaculaire et que l'on observe depuis le néolithique, donc quelques milliers d'années avant notre ère. C'est un geste qu'on pratique toujours, qui est extrêmement impactant et intrusif, puisqu'il vise à enlever une rondelle d'os du crâne pour, à l'heure actuelle, soulager un hématome sudural, mais à l'époque néolithique, on imagine que des esprits malfaisants devaient hanter la tête du souffrant, du patient, et qu'un guérisseur, un chaman, un sachant prenait la décision d'ouvrir la porte pour que les esprits malfaisants s'en aillent. Et donc, il faut imaginer des opérations, des trépanations qui se font avec des outils en silex, par raclage, grattage, et ça devait durer des heures d'opération. On suppose que le patient était sous l'influence de dérivés de pavots, d'écorces de sauge et autres pharmacopées lui permettant de survivre à une opération qui devait durer quelques heures. Et on retrouve beaucoup de crânes trépanés, notamment dans les sépultures collectives. Les sépultures collectives, vous savez, ce sont les dolmens dans lesquels on enterrait parfois des dizaines et des dizaines de corps de façon successive. Et les anthropologues, en regardant les crânes trépanés, on s'aperçoit que c'est formé sur la petite ouverture, un petit cale de consolidation qui nous permet d'affirmer que 70% des patients survivaient à ces opérations de neurochirurgie importantes. Alors dans quel état, on ne le sait pas, mais en tout cas, la simple lecture, comme le disait l'émission de l'ORTF, d'un crâne trépané, nous renvoie l'idée d'une communauté, d'un groupe qui se met au service d'un d'entre eux qui est plus vulnérable. Et nous, en archéoanthropologie, on fait le diagnostic rétrospectif, trépanation, opération, etc. Donc en imaginant que quelqu'un a le savoir et qu'ensuite on opère, on prend en charge une convalescence sans doute douloureuse et probablement la prise en charge plus durable d'un patient amoindri. Parce que survivant, mais dans quel état ? Des migraines, des vertiges, une vie forcément amoindrie, dans des sociétés un petit peu archaïques où chacun a sa place, ça suppose des gens qui se mettent au service de leurs contemporains qui sont plus vulnérables et forcément différents. Caroline Huskin, dans la Rome antique, justement, en écho à ce que l'on vient d'entendre, cette notion d'opération est évidente. Il y a cette médecine antique qui nous fascine toujours, avec une attention portée sur l'idée de soulager, d'appareiller les corps des personnes en situation de handicap. Oui, alors on retrouve toujours cette ambivalence hein, entre la fonction et l'esthétique. Hein. Il y a vraiment une dimension d'esthétisme, au moins pour les catégories supérieures de la société, hein, qui nous sont, en raison de nos sources, les mieux connues. Il y a toujours ce lien donc entre la fonction et l'esthétisme. Et on voit donc par l'archéologie qu'on a une véritable pratique, hein, une volonté de soulager ou du moins de remédier aux problèmes, notamment avec les découvertes qu'on peut faire dans les trousses de chirurgie. Hein, la chirurgie est vraiment bien attestée. Les textes mis en face de ces instruments que l'on retrouve nous laissent voir vraiment un double rôle, hein, c'est-à-dire vraiment, oui, volonté de soulager, de remédier, entre guillemets, au problème, mais pas forcément pour des raisons fonctionnelles. Ça peut être aussi l'esthétique. Hein. On a un texte de Cicéron qui nous dit que parfois, eh bien, les gens sont prêts à endurer des traitements extrêmement rudes, extrêmement douloureux, pas nécessairement pour gagner en fonctionnalité, mais pour retrouver l'apparence et réintégrer une norme d'apparence, hein, d'esthétisme, physique. Donc on a effectivement des récits, hein, notamment dans les sources médicales, d'opérations extrêmement impressionnantes qui visent effectivement eh bien, à rétablir ce qui est décrit comme la bonne conformation du corps. Et en archéologie, on trouve notamment la traduction de cela par l'appareillage. Donc on a des restes effectivement de prothèses, par exemple. On a un exemple très précis à Capoue, où au IVe siècle avant notre ère, on a inhumé un homme qui était amputé, donc il avait été amputé sous le genou. Et dans ce contexte funéraire, on a trouvé avec lui eh bien, une prothèse, hein, donc il avait été appareillé. Une prothèse d'une très très belle facture, hein, donc qui est vraiment une découverte exceptionnelle et qui montre qu'effectivement eh bien, on pouvait essayer d'appareiller les personnes souffrant, ayant été amputées. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se lit sur le temps long dès qu'il est question de prothèse. Là, nous parlons de la prothèse dans la Rome antique. Mais si nous partons au Moyen-Âge, bien sûr, nous allons aussi trouver des prothèses. La voie romaine traverse le site et c'est autour d'elle que la vie s'était organisée. Parce que les mœurs de l'époque gallo-romaine voulaient que les morts ne soient pas loin des vivants et de leurs occupations quotidiennes, les sépultures étaient disséminées le long de la voie. Ici, c'est un squelette du IVe siècle après Jésus-Christ. Il devrait donner de nombreux indices sur le culte des morts pratiqué dans ce village. Son physique, en revanche, n'était pas très différent du nôtre. Les personnes que je suis en train de fouiller, on voit déjà que sur les vertèbres, il y a quelques petits becs ostéophytiques, donc ce qu'on appelle des becs de perroquet actuellement. Donc c'est de l'arthrose, en fait. Hein. Donc, en fait, cette personne, a souffert d'arthrose déjà il y a 1600 ans. Donc on peut en déduire que soit cette personne est âgée, soit elle a une vie assez rude. Hein. Donc ça, c'est effectivement l'étude du squelette après qui nous expliquera un peu plus en détail. Il reste 3 semaines aux archéologues pour prélever, noter et encore creuser. Passé ce délai, le village gallo-romain de Cutry sera livré aux pelleteuses. Le village gallo-romain de Cutry, présenté sur France 3 en 2005, et les archéologues ont continué de creuser. Et qu'ont-ils trouvé à Cutry, Valérie Delattre ? Alors, à Cutry, ils ont trouvé une nécropole mérovingienne également, dans laquelle était enterré un homme d'âge mûr qui avait vécu fin 6e, début 7e siècle et qui avait été amputé des deux mains. Amputé de deux mains, peut-être une suite de cheval, on peut imaginer cela aisément. Ses moignons s'étaient calcifiés. Et dans la tombe, on a retrouvé à côté de son avant-bras, d'un de ses avant-bras, un appareillage compensatoire assez incroyable, qui faisait preuve d'une ingéniosité formidable. C'est-à-dire qu'il était composé d'une sorte de fourche plate en métal sur laquelle on voyait, dans la corrosion du métal, on voyait les traces de liens en cuir, qui avait servi à attacher cette fourche à l'avant-bras avec une boucle de ceinture, et typiquement mérovingienne, et une boucle de chaussures. Et cette petite fourche bifide, cette petite prothèse, lui permettait peut-être de piquer des aliments et d'avoir un minimum d'autonomie dans son quotidien. On est au 7e siècle, hein. Et donc il faut imaginer qu'il n'y a pas des prothésistes professionnels, il n'y a pas des catalogues de prothèses qui circulent, et on peut très bien, en considérant ce que l'on sait des villages mérovingiens, envisager que le forgeron a fabriqué cette espèce d'appareillage assez improbable, que l'un a donné un bout de ceinture, l'autre a donné une boucle de chaussures, et ce pour aider, pour compenser le handicap de quelqu'un qui leur était proche et qui vivait dans le même village. Des prothèses de ce type, on en retrouve beaucoup. Elles sont à chaque fois uniques, faites pour un seul sujet, et elles n'obéissent qu'à des critères de fonctionnalité, une aide, et parfois il y a une petite plus-value esthétique. La prothèse de Capoue dont parlait Caroline était décorée, le mollet était représenté par une tôle de métal, et des décorations guerrières étaient installées sur la partie métallique. Donc on voit que commence petit à petit, notamment au Moyen-Âge, à se mettre en place une volonté de combler le déficit, dans cette espèce d'envie de complétude du corps. Nous, on parle beaucoup de complétude. Et puis aussi, tout le volet esthétique qui se met en place et qui va être développé après par Ambroise Paré, par exemple. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons au handicap, histoire du handicap, soulager, appareiller les corps. Que dit l'archéologie? Eh bien, justement, Valérie Delatte, Caroline Husquin, je vous faire écouter une très belle archive. Elle date de 1952, parce que, oui, les archéologues fouillent, ils fouilleront dans le futur, ils fouilleront peut-être... Le Panthéon, là, ils vont trouver de sacrées choses. Ils trouveront la tombe de Louis Braille. Écoutez le transfert des cendres de Louis Braille au Panthéon. Ici, le boulevard des Invalides, à la hauteur du carrefour du Roc, à l'instant où le char funèbre transportant les restes de Louis Braille vient de quitter l'institution des jeunes aveugles, précédée d'une musique militaire, celle du 93e régiment d'infanterie, pour gagner le Panthéon, où l'homme qui a fait lire les aveugles reposera désormais. Les cendres de Louis Braille sont arrivées hier, vous le savez, à Paris, venant de son village natal, Couvray en Seine-et-Marne, où demeurent encore dans une urne au cimetière les deux mains de Braille, ces deux mains qui les premières apprirent à voir. Et voici maintenant, en un immense, en un interminable cortège qui s'étire là-bas, que l'on voit apparaître de la porte de l'institution des jeunes aveugles, voici maintenant ce qui est certainement le spectacle le plus bouleversant de cette matinée. Voici que s'avancent les jeunes aveugles. Voici des enfants, voici des jeunes filles. Voici des jeunes gens qui se tiennent par le bras pour guider leur marche. Voici des centaines et des centaines de jeunes êtres aux yeux éteints qui marchent dans ce chemin de lumière dont ils sentent seulement la chaleur et la douceur sur leur visage et qui avancent le visage fixe, tendu, ému, au milieu de cette foule bouleversée également comme nous le sommes tous et qui s'est assemblée de chaque côté du boulevard des Invalides. Le transfert des cendres de Louis Braille au Panthéon en 1952. Louis Braille qui invente cette écriture tactile avec ses petits points saillants qui permet aux aveugles de lire. Une archive dans le cours de l'histoire sur France Culture, émission réalisée par Marie Place avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Et justement, Valérie Delatte, archéologue, vous avez écrit un handicap quand l'archéologie nous éclaire. Et aussi, alors ça c'est un ouvrage intéressant, il était une fois la différence, les archéologues racontent le handicap qui est destiné à un grand public mais à un jeune public aussi. Donc là, il y a deux démarches de publication, Actes Sud, Le Pommier et l'INRAP systématiquement, mais c'est toujours intéressant de se dire, on peut parler aux jeunes de l'histoire et de l'archéologie, mais quand il est question des aveugles, que peut faire l'archéologue? Comment l'archéologue perçoit un type de handicap qui, en soi, ne laisse pas de traces? Alors, l'archéologue peut percevoir la lecture de la cécité, l'anthropologue ne peut pas le voir. Le squelette ne permet pas d'avoir accès à la cécité. En revanche, On peut prendre par exemple des civilisations comme les Mochica qui fabriquent des céramiques fabuleuses, auquel cas on fait intervenir un céramologue et qui peut regarder des céramiques anthropomorphes qui représentent des sujets. Et les Mochica ont tendance à représenter beaucoup de personnes handicapées. Et la cécité est un de leurs axes de fabrication principaux. Et donc on peut travailler avec des céramologues. Sur des manuscrits anglais, on a les premiers chiens guides d'aveugles qui sont dessinés au XIIIe siècle. On voit des cohortes de mendiants qui sont précédées par des chiens qu'ils tiennent en laisse et qui les guident. Donc vous voyez, l'anthropologue et son accès au squelette ne peut rien faire pour la surdité, la cécité, les handicaps cognitifs, tous ces handicaps qui sont souvent invisibles ostéologiquement. Mais là, l'archéologue, l'historien, le critique d'art peut prendre le relais et travailler sur ces pathologies invalidantes. Donc en fait, c'est pluridisciplinaire, il y a des textes, beaucoup, Caroline travaille beaucoup sur les textes, et en fait, on arrive à avoir accès à toutes ces pathologies invalidantes. Eh bien justement, Caroline Husquin, dès qu'il est question des aveugles, des personnes non-voyantes dans l'Antiquité, nous pensons tout de suite à certaines grandes figures, et notamment Homère. Il y a une vraie présence, et une présence qui est plutôt magnifiée. Oui, alors encore une fois, et c'est vraiment une récurrence dans le traitement de cette problématique dans les textes anciens, on a toujours une ambivalence. C'est-à-dire qu'on a effectivement la figure de l'aveugle comme étant le sage, hein, pour qui finalement la vue, et c'est Pline l'Ancien qui nous dit ça, hein, la vue physique s'est éteinte pour faire place à la vue de l'âme, hein, à la vue de l'esprit. Donc Homère est un exemple. Mais on a aussi une perception de l'aveugle qui est aussi une perception négative, comme quoi l'aveugle serait le méchant. Donc vous voyez, il y a toujours ce lien extrêmement fort entre le fait que le problème physique, en fait, serait lié aussi à un problème moral. Et on a vraiment ces deux connotations qui, toujours, cohabitent. Avec notamment énormément de moqueries. Il y a tout un jeu rhétorique sur la moquerie sur les personnes en situation de handicap. Oui, effectivement. Alors la moquerie, elle peut être assez gratuite, mais elle s'inscrit aussi dans des codes qui sont très précis, notamment dans la vie politique. La moquerie est précisément la moquerie physique, hein, à l'égard des défauts physiques. Eh bien, elle s'inscrit dans le cadre de l'invective politique, c'est-à-dire que c'est vraiment un topos utilisé par les hommes politiques envers leurs adversaires pour les disqualifier. On est toujours dans cette notion où l'intégrité du corps est liée donc à des valeurs morales, et discréditer l'adversaire politique sur son corps, sur son apparence physique, sur certains défauts de cette apparence physique, eh bien c'est en quelque sorte montrer qu'il n'est pas apte à gouverner la cité, et c'est donc mettre l'accent sur ses compétences politiques en fait. Réflexion sur les personnes en situation de handicap dans l'Antiquité, allons à la rencontre de Platon. Platon, les lois. Les fous ne doivent pas paraître par la ville, mais chacun d'eux sera gardé dans la maison par ses proches, de quelque manière qu'ils soient à même de le faire. Autrement, ceux-ci devront payer une amende qui sera de 100 drachmes pour les censitaires de la classe la plus élevée, que ce soit en fait un esclave ou aussi bien en fait une personne de condition libre qu'ils auront négligé de tenir enfermée. Caroline Husquin, nous venons d'écouter un extrait de Platon. À Platon qui nous conduit dans l'Antiquité grecque, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous êtes spécialiste de la Rome antique, mais il y a cette réflexion à avoir sur les différentes formes de handicap. Et dans la grille de lecture qu'il faut systématiquement poser, il y a celle de l'appartenance sociale. Si nous réfléchissons à la personne qui est atteinte de handicap mental, comment est-elle considérée? Est-elle exclue? Alors là encore, hein, c'est vraiment, on a toujours une très très grande ambivalence entre les cas. Donc ça dépend effectivement de son appartement social, ça dépend de son sexe, et c'est vraiment aussi une question au cas par cas. Hein. On a vraiment dans les sources des attestations de personnes souffrant de défauts considérés comme des pathologies mentales, hein, mais voilà, la définition de la pathologie mentale est quand même extrêmement compliquée pour ces temps un peu reculés. On a vraiment une diversité des traitements en fonction d'un certain nombre de critères et on a à la fois des exemples de rejet, mais aussi des exemples, effectivement, comme on vient de l'entendre hein, dans l'extrait de Platon, de gens qui sont qui sont gardés à la maison, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont maltraités. On a des exemples de personnes souffrant d'un handicap, que ce soit physique ou mental, qui sont effectivement gardées à la maison, cachés en quelque sorte du reste du monde, mais qui, au sein de la famille, sont extrêmement bien traités, voire choyés. Simplement, il ne faut pas, eh bien, pour des questions de bienséance, les exposer à la sphère publique. Valérie Delattre, hein, archéo-anthropologue, justement, c'est la grande question de se dire comment la personne qui est en situation de handicap a-t-elle pu être traitée durant son existence ? Alors, en plus, vous m'interrogez sur une période qui est extrêmement vaste, qui peut commencer à Néandertal et aller jusqu'à la fouille des temps modernes. Donc, effectivement, les pratiques sont différentes. Ce qu'on peut dire, c'est que, archéologiquement, on voit un intérêt évident pour la personne qui a un corps différent dans son traitement funéraire. Alors, une phrase à nuancer veut que le monde des morts reflète tout ou partie celui du monde des vivants. Je mets plein de guillemets, mais on est obligé d'avoir cette grille de lecture quand même. Et si tant est que l'on découvre des sujets handicapés, amputés, atteints de pathologies diverses ou variées, bénéficiant des mêmes préconisations funéraires, rituelles, etc., que leurs contemporains, on est tenté de dire que on leur offre dans la mort le même traitement qu'ils ont eu dans leur vie, c'est-à-dire à l'égal des autres. Ça vaut pour la lecture des handicaps physiques auxquels on peut avoir accès, parce que forcément, par le biais de l'ostéologie, on n'a accès qu'à ce type de handicap. Pour en revenir au handicap mental, on peut faire intervenir l'archéologie, pour le coup, et à un autre prisme, je songe à ces hôpitaux psychiatriques des terres d'islam, qu'on appelle les bimaristans. Ils ne sont pas inintéressants, puisque les plus grands savants musulmans, Averroès, Avicenne, ont travaillé sur ce qu'on appelle la folie, hein, on va parler au sens large, mais sur toutes les maladies psychiques. Ils ont fait des traités sur la mélancolie, sur les maladies psychiatriques, et ils ont mis en place des hôpitaux. Le plus ancien a été fondé à Bagdad au 7e siècle. On imagine, nous, ce que l'on pouvait faire en Occident des malades dits mentaux. Et on y accueillait tous ces sujets que l'on ne pouvait pas garder à domicile. On a accueilli des hommes, des femmes, toutes les religions, et on les traitait. C'est-à-dire, non seulement on les regroupait, pas comme on a fait, nous, en Occident, après, avec le grand enfermement, où on les regroupait sans s'en occuper, mais on essayait de les traiter. Et on a inventé, autour de l'an 1000, la musicothérapie, l'art-thérapie, pour essayer d'apporter des soins à ces pathologies mentales. Alors, vous voyez, l'anthropologue est un petit peu désarmé, parce que le squelette ne dit rien, mais l'entourage, les lieux de vie, les lieux de regroupement peuvent apporter des renseignements sur ces pathologies qui nous sont totalement inconnues en archéologie funéraire. Et puis quand il est question d'histoire, évidemment, nous sommes toujours victimes, mais victimes sans doute consentantes de nos représentations. Voici Quasimodo. Qu'est-ce que cela, ma sœur ? Regardez donc sur le bois de lit vis-à-vis de la statue de Saint-Christophe. Eh bien, mais ce doit être un malheureux enfant abandonné. Vous savez bien que c'est là qu'on dépose les pauvres petits dont les mères ne veulent point. Sainte Vierge, je le sais bien. Et on en dépose plus au parvis de Notre-Dame que dans toutes les églises de Paris réunies. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Quelle voix ! Il mène en tous les cas un sabbat d'enfer, voyons voir. Quelle horreur ! Que ne le disiez-vous ? Mais je ne fais que ça ! Oh, mais c'est un vrai monstre d'abomination ! Avoir déposé ce singe dans une église ! Qu'allons-nous devenir ? On lui voit qu'un œil ! Oui, et sur l'autre, il a une verrue ! Ce n'est pas une verrue ! C'est un œuf qui renferme un démon tout pareil à celui-ci, lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable, et ainsi de suite. Mais non, Seigneur ! Et comment savez-vous cela, monsieur le proto-notaire ? Je le sais pertinemment. Et alors, que croyez-vous qu'il advienne, monsieur le proto-notaire ? Oh, les plus grands malheurs pour notre pays. Oh, mon Dieu ! Ah, oui, oui, conjurons le malheur tant qu'il en est temps. Mais je n'oserai jamais le toucher, moi. Mais il va mordre ! Allez chercher un fagot, qu'on le brûle là où il est ! Ce sera œuvre pie, personne n'en voudra jamais. Que le diable ! Moi ! Je le prends. J'adopte cet enfant. Évidemment, c'est Frollo qui vient d'arriver devant Quasimodo bébé, une adaptation radiophonique de l'œuvre de Victor Hugo en 1957, Valérie Delattre. Oui, bien sûr, dans ce son, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a à la fois le rejet et l'accueil de la personne différente. Il y a la cour des miracles, forcément, puisqu'il faut avoir une vision pas forcément idyllique de la lecture du handicap dans les sociétés passées. Là, on a vu des cas plutôt optimistes, enthousiasmants, de soins à la personne et d'appareillage. Faut imaginer que le handicap, comme maintenant, c'est un vrai curseur social. À savoir que dans des sociétés, y compris les plus anciennes, quand tout va bien pour un groupe, on peut supposer, affirmer, démontrer avec les données dont on dispose que ça va bien aussi pour la personne différente et la personne vulnérable. Néandertal en atteste déjà, avec la façon dont il traite ses enfants en situation de handicap. En revanche, vous imaginez des temps de pandémie, des temps d'accidents climatiques, des guerres, une guerre de 100 ans, des bonnes razzias d'anglais, les vikings. Forcément, les tensions apparaissent, les groupes se resserrent un peu, on a du mal à se nourrir et les plus vulnérables deviennent des bouches inutiles. Le curseur, il est là. C'est que quand ça va bien pour tout le monde. Quand ça se resserre un peu dans les sociétés, on observe des cas de rejet ou de gens qu'on jette sur les routes pour qu'ils aillent mendier en ville. La mendicité urbaine est souvent le fait de temps un petit peu rude qui se resserre. Et où celui qui est différent et qui n'est pas autonome pense qu'aller mendier en ville va lui permettre de survivre. Et on a créé plein de petites cours des miracles, comme celle mentionnée par Victor Hugo. Voilà, c'est ça en fait notre lecture du handicap et des handicaps, c'est de jongler à la fois avec ce que l'on lit dans les sépultures, avec l'archéologie, en contextualisant bien évidemment et en se gardant d'avoir une vision idyllique où chacun était accueilli, soulagé, opéré, appareillé. Sans doute pas. Nous avons des lectures ponctuelles. À nous, bien sûr, après, de travailler sur la prévalence des pathologies, des appareillages, etc. Mais en tout état de cause, et comme maintenant, vous êtes un double amputé, vous pouvez être un grand champion paralympique appareillé avec des appareillages compensatoires qui valent plusieurs milliers d'euros. Vous avez le même handicap à Haïti après un tremblement de terre ou un tsunami. Handicap International va essayer de vous appareiller avec des bouts de bois, du plastique, etc. Voilà. Dans le temps, puisque on nous pose souvent la question, c'était comment dans le temps ? Eh bien, dans le temps ou dans les temps, le handicap est le même curseur social que maintenant. Et quand ça va bien pour les différents, quels qu'ils soient, et pour les plus vulnérables. Même question auprès de vous, Caroline Husquin, parce que, évidemment, le curseur est le même dans l'Antiquité romaine, mais la présence, ou j'ai envie de dire même l'omniprésence des personnes en situation de handicap, est quelque chose que l'on ne voit pas, et qui pourtant est là, elles sont présentes dans la littérature et dans les textes. Oui, oui, oui. Pour rebondir donc sur tout ce qui vient d'être dit, effectivement, le handicap c'est un curseur, et donc dans les temps de tension, on voit que certains défauts physiques, eh bien, sont moins tolérés que dans des temps de paix. Donc, si je rebondis un petit peu sur l'extrait de Quasimodo, à Rome, dans l'Antiquité, on a dans des temps de troublés, hein, dans des temps de guerre, que ce soit des guerres contre des peuples étrangers ou des temps de guerre civile, on a une tendance à remarquer un petit peu plus souvent ce qu'on appelle des prodiges, c'est-à-dire des signes inhabituels envoyés par les dieux pour parfois manifester leur colère et auxquels les hommes eh bien, doivent trouver un moyen de remédier. Et certains de ces prodiges eh bien, ont pris la forme de prodiges dits humain, et en fait c'était des bébés qui souffraient de pathologies bien spécifiques, alors pas nécessairement handicapantes, hein, puisque un de ces défauts physiques entre guillemets bien stigmatisés était l'hermaphrodisme. Et donc, les bébés hermaphrodites, tout comme les bébés jumeaux siamois, eh bien, dans les temps de guerre, ont pu passer et être repérés comme étant des prodiges qu'il fallait expier. Et donc, ils étaient expiés au sein de cérémonies religieuses dont l'issue était pour ces bébés invariablement la mort, et parfois une mort bien particulière, puisque les hermaphrodites, au terme des cérémonies religieuses, étaient mis dans un coffre et conduits à l'eau. Alors, conduit à l'eau, c'est en général la mer, hein, ils étaient immergés, parfois le fleuve, mais leur fin était invariablement, au terme de ces cérémonies, toujours la mort. Et on observe vraiment une évolution du traitement au long de la période, c'est-à-dire que ces expiations, elles sont relativement fréquentes aux trois derniers siècles de la République, qui sont des siècles de guerre, hein, que ce soit au moment de l'expansion territoriale vraiment importante de l'Empire romain, mais aussi au moment des guerres civiles. Et avec le retour de la paix, eh bien, on se rend compte que ces expiations de prodiges, elles sont plus rares. Et sous l'Empire, Pline l'Ancien nous dit même que les hermaphrodites sont devenus un objet de plaisir et qu'on ne les élimine plus. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont un traitement qui est nécessairement beaucoup plus enviable, mais il y a une évolution du regard en fonction des circonstances. On ne porte pas le même regard sur la différence quand on a des temps troublés et quand on a des temps de paix. Et justement, dans cette idée de rejet systématique des personnes qui sont des bouches à nourrir supplémentaires, il y a le contre-exemple. Ce contre-exemple nous fascine. Valérie Delattre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que l'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle l'archéocompassion, ces gestes touchants, ces traces de tendresse, en fait, vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Alors moi, je vais vous faire un bond dans le temps colossal. On va remonter 100 000 ans avant notre ère et on va se diriger vers Kavzé en Israël. On a très peu de sépultures de cette époque-là. On connaît très peu de choses. On a évidemment aucune trace. Donc, on travaille sur des squelettes. Il doit en exister une centaine de cette époque à travers le monde. Et à Kavzé, on a retrouvé des sépultures doubles. C'est très rare, les sépultures doubles à cette époque-là. Il n'y en a que deux et elles sont à Kavzé. En archéologie funéraire, la sépulture double, c'est un phénomène très classique. On associe dans la tombe un couple qui serait mort conjointement d'une maladie, une fratrie, ou des sujets qui ont un lien biologique ou social très fort. Dans une pratique dite d'accompagnement, on ne laisse pas seul dans la mort, on part ensemble dans la mort. Eh bien, à Kavzé, 100 000 ans avant notre ère, des adultes ont accompagné dans la mort des petits qui étaient atteints de pathologies lourdes, des paralysies infantiles. Et donc la lecture, la simple lecture de ce rituel d'accompagnement, indépendamment du diagnostic rétrospectif que l'on peut faire de la pathologie, nous montre que Néandertal avait su prendre soin de ces petits de leur vivant. Petite vie qui a duré quelques années. Et dans la mort, on a estimé que ces petits qui n'étaient pas autonomes, qui étaient démunis, qui étaient incapables de se débrouiller dans un au-delà quel qu'il soit, devaient être accompagnés par un adulte. Alors voilà, ça ce sont ces gestes de paléocompassion, ce qu'on appelle le care aussi également, auxquels on peut avoir accès par le seul biais de la découverte de vestiges. Là, je vous parle de vestiges qui sont les plus lointains que l'on puisse retrouver. Mais tout au fil de la lecture de l'archéologie funéraire, on a accès à ces types de gestes de surinvestissement dans une tombe où on voit que les rituels sont démultipliés parce que la personne était vulnérable et donc on investissait pour elle dans la mort. Prenons Toutankhamon. Toutankhamon, tout de suite on pense le masque, l'or, les lapis lazuli, ces bijoux qui ruissellent. Le plus émouvant dans le tombeau de Toutankhamon, ce sont ses cannes. Toutankhamon était handicapé, avait un pied bot, outre des pathologies congénitales assez lourdes. Et dans son tombeau, on a retrouvé ses cannes, des roseaux, des fragments de roseaux qu'il allait cueillir lui-même. Voilà. Il ne faut pas s'interdire d'avoir des petits fragments d'émotion quand on travaille sur ces sujets-là. Ça ne doit pas l'emporter sur la rigueur de la discipline. Mais il est évident qu'on peut voir la lecture de plus-value. Alors on peut mettre le mot compassionnel, comme vous l'avez fait, mais effectivement de plus-value qui concerne des sujets qui étaient vulnérables et reconnus comme tels par leurs contemporains. Vous disiez tout à l'heure que le handicap était présent, mais sans lunettes, sans appareillage surdité, sans prothèse dentaire, une fracture double Imaginez un tibia et un péroné fracturé pour un footballeur. Aujourd'hui, c'est rien. C'est une saison un peu gâchée. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, on ne sait pas réduire une fracture. Ben, vous boitiez. Donc, il n'y a pas de « le voisin est handicapé, mon cousin est infirme ». On a tous quelque chose qui ne va pas. Le handicap est présent partout. À nous, après, scientifiques, de dire « telle pathologie a une incidence sur le quotidien, elle peut amoindrir sa façon de se gérer par rapport aux autres, par rapport aux activités agricoles, etc. » Mais chacun de nos ancêtres devait, à un moment de sa vie, être en situation de handicap. On va faire un raccourci, parce que notre regard permet aussi de travailler sur l'avancée des techniques chirurgicales, des techniques d'appareillage. Grand merci à Ambroise Paré, par exemple. Et donc, tout ce recul nous permet de voir que dans les temps les plus anciens comme les plus récents, chacun d'entre nous était potentiellement handicapé. Et justement, il y a des certitudes hors de l'angélisme. On n'est pas là pour faire de l'angélisme, bien sûr, en disant que les sociétés anciennes s'occupaient très bien des personnes en situation de handicap. Mais Caroline Huskin, ce qui est certain, c'est que ces personnes travaillaient, par exemple. Ça, nous le savons. Oui. Ces personnes travaillaient. Alors, pour faire le lien entre ce qui vient d'être dit sur la compassion et le travail, on a un exemple archéologique à Herculanum qui est très intéressant. Vous savez qu'à Herculanum, donc la cité qui a été ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79, pendant très très longtemps, on n'a pas retrouvé les corps. Et on a cru que la population d'Herculanum avait pu fuir parce qu'on n'avait pas de corps. En fait, on s'est rendu compte, il y a quelques décennies, on a trouvé un certain nombre de corps qui nous ont fait relativiser cette hypothèse de la fuite. Les corps étaient sous des arches au niveau de la plage et avaient donc essayé de s'enfuir, mais il n'y avait pas les gens n'avaient pas réussi à s'enfuir. Et parmi ces corps, on a trouvé les restes d'une femme dont l'examen anthropologique a montré qu'elle était privée de l'usage de ses jambes, qu'elle ne pouvait pas se mouvoir. Donc c'est un exemple à la fois qui relève de la compassion, parce que ça veut bien dire on est donc sous les arches, sur la plage, à une certaine distance de la cité, donc ça veut dire que quelqu'un l'a aidée pour essayer de qu'elle puisse s'enfuir avec le reste de la population. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, effectivement, était inséré dans le tissu social et laborieux de la cité, puisqu'on a remarqué sur ses bras les traces d'une activité laborieuse extrêmement intense. Donc ça veut dire qu'on avait trouvé, alors c'est pas nécessairement une chance, hein, ça montre aussi que le handicap n'était pas synonyme de dispense, hein, à cause du problème physique, hein, ces personnes pouvaient travailler, hein, et donc c'est pas forcément très, très réjouissant, mais on avait trouvé une activité à cette personne compatible avec sa différence physique. Il y avait des choses à faire, bien sûr. Dès qu'il était question de handicap dans l'Antiquité, les grands personnages apparaissaient. Nous avons cité Toutankhamon, on pourrait parler de Philippe de Macédoine, hein, le père d'Alexandre le Grand, Néron pour la folie, pourquoi pas, et tant d'autres. Justement, Valérie Delatte, vous avez écrit « Il était une fois la différence », les archéologues racontent le handicap à destination d'un public jeune. C'est aussi l'occasion de parler du handicap. Oui, parler du handicap, c'est très bien dans un contexte de recherche, comme on le fait, colloque, table ronde, c'est très bien, c'est de l'entre-soi scientifique. Mais je pensais qu'il y avait aussi une mission pédagogique, peut-être même un peu citoyenne, de parler de situations, des personnages, des lieux, à destination des enfants pour débloquer la parole, permettre de parler de sujets que l'on pense tout de suite difficiles, lourds, pesants. Mais le handicap, c'est un moyen de se parler et de pouvoir se considérer l'autre au sein de sa société, de sa classe, à l'école, de sa famille, de son village. C'est extrêmement important de sensibiliser. On sensibilise les enfants au handicap par le sport, par l'art. Eh bien, on s'est saisi du sujet en les sensibilisant avec l'archéologie et l'archéologie funéraire. Et ça permet de faire parler de ce sujet qui est prégnant dans nos sociétés. Voilà, qui nous concerne tous, directement ou indirectement. En tout cas, merci beaucoup Valérie Delatte. Donc, il était une fois la différence. On va dire c'est pour les petits, mais aussi les grands. Et puis, handicap, quand l'archéologie nous éclaire. Et merci aussi Caroline Husquin. L'intégrité du corps en question, ça, cela nous conduit dans la Rome antique. Merci à toutes les deux et nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, pourquoi les cinémas nous manquent-ils tant ? Qu'est-ce qui nous attache autant à l'idée même du lieu cinéma et même de la séance de cinéma ? Dans un sondage récent, la fermeture des cinémas figure parmi les premières incriminations contre les mesures sanitaires, alors que les plateformes de contenu cinéphilique et de séries n'ont jamais été aussi nombreuses et se diversifient pour répondre à toutes les attentes, des grands classiques, des plus pointus au plus grand public, en passant par toutes les formes de vie vampire, espionne, fleurs bleues et zombies. Aujourd'hui, c'est mercredi, et comme il n'est plus nécessaire de l'annoncer, les cinémas sont fermés, donc il n'y aura pas de sorties extraordinaires, pas de files d'attente sur les trottoirs, et pas de miettes de pop-corn sur les fauteuils des salles obscures. La séance de cinéma, c'est une histoire intime et collective. Le sociologue Edgar Morin racontait comment la salle obscure a constitué une matrice réconfortante alors qu'il faisait enfant le deuil de sa mère devant les films soviétiques à la fin des années 20. Le réalisateur Luc Moulet, une des figures de la cinéphilie des années 60, est toujours fier du stylo lumineux qu'une âme charitable lui avait rapporté de Tchécoslovaquie, lui permettant de copier les génériques de fin dans le noir, qu'il vendait pour pas grand-chose aux magazines spécialisés, quand la rareté participait alors du désir de cinéma. Les récits de séances plus ou moins chahutées pendant la Deuxième Guerre mondiale devant les actualités filmées, en retard ou mensongères, pullulent dans les témoignages sur l'occupation, mais on s'y rencontrait et souvent on y trouvait la chaleur qui manquait dans les appartements habités par le rationnement. Office démocratique et populaire d'une nouvelle religion, selon l'historien Christian-Marc Bosseno, la séance de cinéma est devenue en un siècle l'espace où chacun peut s'inventer ses propres rituels. Ne surtout pas manquer les bandes-annonces du début ou au contraire s'y soustraire, par peur d'en savoir trop, y aller seul ou accompagné. L'écrivaine Violette Leduc décrivait les visages et les réactions de ses voisins de salle comme autant de spectacles en concurrence avec l'écran, tandis que Serge Danet se rappelait les séances de son enfance et les fantômes d'anciens combattants qui passaient sans bruit avant le grand film pour demander l'aumône aux spectateurs impatients. Le gigantesque critique et historien du cinéma Jean Douchet entrait toujours en empruntant l'allée à droite de la salle et s'installait de préférence seul pour ne pas être gêné dans ses émotions. Toutes ces anecdotes inscrites dans l'histoire disent à quel point, si les salles de cinéma ne sont pas essentielles à la vie humaine, elles sont les lieux de mémoire et d'expérience partagée, d'une certaine joie de vivre. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupoint, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin, c'est Maïwenn Guizhou, à écouter et à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, survivre ne suffit pas. Handicap, les luttes pour l'égalité.